ce n'est qu'un point de poésie dans le ciel des matins de pluie, le satin rose de ta peau que je caresse avec des mots. C'est un baiser un peu futile dans un tendre matin d'avril. C'est une bouteille à la mer, une oasis dans le désert. Fans de chansons françaises de tous les temps et tous les autres, bonjour! Vous êtes bien sur Radio Fajette 94.2. Yves à la technique, Daniel en votre compagnie, avec Dominique et Serge pour vous présenter la cerise sur le canto numéro 40 déjà. Un panorama de chansons françaises d'aujourd'hui, d'hier, d'avant-hier et même des tubes de demain. Bonjour. Bonjour Serge. Bonjour Dominique. Bonjour Daniel. Allez, un jury neutre, Serge, neutre, impitoyable et incorruptible. Je veux des preuves. Qui classe les titres de l'émission et sans plus tarder les résultats de l'émission précédente. C'était la cerise sur le canto, c'était il y a 15 jours, ça doit être le numéro 39. Tout à fait, et donc il y a 15 jours et la médaille de bronze, c'est Montmartre, Alain Turban. Et on écoute. C'est une petite fille qui descend l'escalier de la rue Saint-Vincent. C'est un lapin agile qui se met à chanter une chanson de Bruant. Et c'est un château d'eau où Maurice Utrillon vient tremper ses pinceaux. Dieu, quelle est belle ma photo du Sacré-Cœur tout blanc. C'est une rue de pique qui monte avec le temps sur mes rêves d'enfant. C'est un jardin public qui protège les amants du soleil et du vent. Voilà Monsieur Poulbeau qui vient de dessiner les marmots, les enfants. De la place du Tertre et jusqu'au Moulin Rouge, j'entends Montmartre, t'es mon Paname avec une âme. T'es ma première bouffée de liane, t'es ma dernière histoire d'amour. Au coin de la rue des Martyrs, j'ai dû en faire 100 fois le tour. Montmartre, de mes glissades, de mes copains. Au temps du métropolitain, dans le bassin du Sacré-Cœur, je t'aimais déjà en sous-marin. Tu t'en souviens? C'est un petit garçon dans la rue du Mont-Cenis qui joue les D'Artagnan. Mademoiselle Valadon qui chantonne aujourd'hui Jean-Baptiste Clément. C'est un Toulouse-Lautrec qui croque en un instant tous les French, les cancans. Et moi qui me fais la belle derrière les palissades, attends. Au coin de la rue Norvins, j'ai rencontré des princes, des voyous, des mendiants. Dans la rue Paul Albert, je suis né en hiver, dans le bistrot de mes parents. À l'église Saint-Pierre, je t'aime au nom du Père en dernier communion. Un air d'accordéon et tout le monde reprend. Montmartre, t'es mon Paname avec une âme. T'es ma première bouffée de liane, t'es ma dernière histoire d'amour. Au coin de la rue des Martyrs, j'ai dû en faire 100 fois le tour. Montmartre, de mes glissades, de mes copains. Au temps du métropolitain, dans le bassin du Sacré-Cœur, je t'aimais déjà en sous-marin, tu t'en souviens? Montmartre. T'es ma commune, ma communale. T'es mon village en capitale. Tu fais la pige à Notre-Dame. Si t'as mis Paris à tes pieds, c'est pour pouvoir le protéger. Montmartre, de ton moulin de la galette, où tout le monde faisait la fête. Au bateau là, voir en public, tu refaisais la république de Montmartre. Montmartre, pas besoin de funiculaire, je préfère prendre les escaliers sous la lumière des réverbères. Il y a de l'amour à volonté. Elle monte sur la deuxième marche du podium pour recevoir la médaille d'argent. De qui parle-t-on? Mais de Zaz, bien sûr, les passants. Les passants, passants, je passe mon temps à les regarder penser. Leurs pas pressés dans leur corps les ailes. L'air passé se dévoile dans les pas. Sans se soucier, que suspicieuse à la vue, je perçois le jeu de pan. Leur visage comme des masques me fait l'effet répugnant. Que faire semblant, c'est dans l'air du temps. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. L'enfant n'est fait que de fait, le fait est que l'effet se reflète à sa capacité de prendre le fait tel qu'il est, sans se référer à un système de pensée dans sa tête. D'entendre déjà, c'était l'été hier encore. Le temps me surprend, semble s'accélérer. Les chiffres de mon âge amènent vers ce moi rêvé. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Shadaya. Chaque mois se joue dans des cycles différents. C'est marrant, c'est remous qui m'anime à travers tant d'un état à un autre. J'oscille inexorablement. Par les temps, je cours à l'équilibre. Chaque jugement sur les gens me donne la direction à suivre. Sur ces choses en moi à changer qui m'empêchent d'être libre. Les voix se libèrent et s'exposent dans les vitrines du monde en mouvement. Les corps qui dansent en osmose. L'histoire se confond et s'attire irrésistiblement. Par les temps, je cours à l'expression. Chaque émotion ressentie me donne envie d'exprimer les non-dits. Et que justice soit faite dans nos pauvres vies endormies. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Alors maintenant, c'est le haut du panier, plébiscité par le jury. Et ils obtiennent la médaille d'or, c'est le groupe Arcadien. On est là, c'est le titre de la chanson. Chapeau. Toi, mon ami, mon frère, j'ai vu ton monde s'effondrer quand elle t'a quitté. Je te vois plus sans ton verre, tu déambules dans les soirées depuis qu'elle t'a brisé. Elle t'a mis comme une claque, assommé, tu ne sais plus qui tu es. Tu fais le fort mais tu craques, on le sait tous, on te connaît. Et si ce matin tu veux tout foutre en l'air, c'est facile, je t'aiderai à l'oublier. Et tu verras au fil des années ta vie qui défile, toujours à tes côtés. On est là, on est là, avec toi quand d'autres sont partis. On est là, pour le meilleur et le pire de nos vies. De ma peau, mon frère, tes souvenirs auront vieilli, certains tombés dans l'oubli. Ce sera pas mieux qu'hier, et toujours moins pire qu'aujourd'hui. Il faut sourire même si elle t'a mis comme une claque, assommé, tu ne sais plus qui tu es. Tu fais le fort mais tu craques, on le sait tous, on te connaît. Et si ce matin tu veux tout foutre en l'air, c'est facile, je t'aiderai à l'oublier. Et tu verras au fil des années ta vie qui défile, toujours à tes côtés. On est là, on est là, avec toi quand d'autres sont partis. On est là, on est là, pour le meilleur et le pire de nos vies. Ce matin on va tout foutre en l'air, c'est facile, je t'aiderai à l'oublier. Et tu verras au fil des années ta vie qui défile, toujours à tes côtés. On est là, on est là, avec toi quand d'autres sont partis. On est là, on est là, pour le meilleur et le pire de nos vies. Allez ce matin on va tout foutre en l'air, c'est facile, on est là, on est là. Et tu verras au fil des années qui défile, toujours à tes côtés. On est là, on est là, avec toi quand d'autres sont partis. On est là, on est là, pour le meilleur et le pire de nos vies. Place à la sélection du jour, un hommage de Charles Trenet au musical. Ses multiples attractions, certes, mais aussi aux vedettes de la chanson française. Alors, vedette de la chanson française, une belle brochette, il y a Félix Mayol, Maurice Chevalier, Édith Piaf, Tino Rossi, Charles Trenet. Et pourquoi pas Charité bien ordonnée commence par soi-même. Oui, tout à fait. Patachou, hein, mon gros chou. Georges Brassens, Léo Ferret, Juliette Gréco, Mouloudji, Georges Humer, les frères Jacques, Charles Aznavour, Gilbert Bécaud, Yves Montand et les compagnons de la chanson. Ça te parle tout ce petit monde-là, Serge ? Ça me parle, oui, oui, oui. Tu oui. étais né ? Je ne sais pas combien sont encore vivants. Attends, oui. Je suis en train de regarder, il n'y en a pas beaucoup des vivants. On va faire l'appel. Oui, oui, oui. Non, il n'y en a pas. À mon avis, il n'y en a pas. Ah, ils sont tous disparus. Ah oui, les sont tous disparus. Les compagnons de la chanson. Ah, le dernier s'est éteint, il n'y a pas longtemps. Non, non, il en reste encore deux. Des compagnons ? Oui, il reste encore... Parce que Fred Mella, il est décédé il y a deux ou trois mois. Il reste le moustachu, Gaston. Oui. Il est toujours vivant. D'accord. Il a un orchestre de jazz, d'ailleurs. Ouais. Et puis, il reste un compagnon qui a fait partie des compagnons pendant un certain nombre d'années, mais qui n'a pas fait toute sa carrière. Oui, parce que c'est vrai qu'ils se sont renouvelés, il y en a qui sont ajoutés, etc. Ouais. D'accord. Alors... On écoute donc, suite à cette belle brochette, Moi j'aime le musical de Charles Trenet. Mmh.

Tu m'as dit qu'avec le temps les bons amis coupaient les ponts, si proche d'elle et puis un beau jour sans raison, elle m'a oublié comme l'on change de saison. Tu m'as dit que la confiance arrive après la réussite, mais comment m'imposer, oser moi le timide. J'ai tellement envie mais comment dois-je te le dire. Sors-moi de là, j'ai pas envie de prendre une peine en sursis. J'ai envie d'un casse, d'un braquage réussi. Sors-moi de là, sors-moi de là. Dit tellement de choses, t'es belle et t'es moins rose. Mais toi, qu'est-ce qu'on t'a dit? Et toi, qu'est-ce qu'on t'a dit? Tu m'as pris par la main quand je ne savais rien. C'est moi qui te le dis. Sors-moi de là. J'ai pas envie de prendre une peine en sursis. J'ai envie d'un casse, d'un braquage réussi. Sors-moi de là. Sors-moi de là. Alors maintenant, on va vous parler et on va écouter Pierre Aralambon, qui est né en 1944 et qui nous a quittés en 2007. Il s'agit d'un chanteur peu connu. Il a débuté dans la chanson alors qu'il était apprenti chez Renault. Il chantait pour lui et ses copains. Il chantait des chansons de Jacques Brel. Et il fut formateur, bienvenue au club, fut formateur dans une école de travail social en région parisienne et directeur d'un centre médico-psychopédagogique. Et on pouvait le croiser dans les années 80, dans les petits lieux de la chanson, dans les galas de radio libertaire, avant qu'il ne tombe dans un injuste oubli. Et justement, pour lui donner un peu de... Comment je pourrais dire, Serge? Un peu de... Bah, pour le faire revenir, tout simplement. Pour penser à lui. Pour penser à lui, voilà. Un petit coup de cœur. La débandade, Pierre Aralambon. Voilà. Ça commençait vers nos 10 ans, ça se passait matin levant. Nous prenions le chemin de l'école avec tous les gosses qui rigolent. Nous n'aimions pas notre maîtresse, elle était avare de caresses. Nous voulions être insupportables, mais nous bougions derrière nos tables. Tu vois, première débandade. Venait le temps de nos 15 ans, nous ne pouvions plus être enfants. Nous ne cherchions une âme sœur, nous ne cueillions la plus belle fleur. Nous la baptisions fiancée, elle serait un jour notre femme. Les premiers serments échangés, peu de temps après devenaient drame, parce que la débandade. Nous décrochions nos 18 ans, nous nous bombardions étudiants, nous parlions de 89, révolution et monde neuf. Et nous passions nos premières nuits avec des affiches et des tracts. Et puis c'était la fin de l'acte, quand les flics nous avaient surpris. Tu vois, la débandade venait le temps de nos 20 berges, pour la première fois réunis dans ce qu'on nomme train de nuit. En route pour la même caserne, nous nous étions promis pourtant casser la gueule à l'adjudant. Mais l'uniforme et puis les rangs, on nous entendait plus tellement. Tu sais, la débandade. Il paraît que les vieux sont sages, qu'ils gardent leur voile au rivage, qu'ils ont l'expérience du temps, qu'ils connaissent la vie maintenant. Il paraît que les vieux sont sages, c'est vrai qu'ils ont de beaux visages, mais avant que vienne ce temps, et le courage dit c'est pour quand. Pour quand le courage, pour quand le courage. C'est une jeune chanteuse que nous allons découvrir. Elle se prénomme Clou. Nous l'avons connue à l'occasion d'un radio-crochet. Et sur scène, c'est invité dans les premières parties par Benjamin Violet, Vianney, Sting, Dionysos et Boulevard Désert qu'elle s'est fait connaître. Son premier album est un art de mélodie pop, une écriture acérée sans faux-semblant, et son titre Rouge raconte les tempêtes intérieures portées par l'unique virtuosité de sa voix. On écoute Clou, titre Rouge. Des mots comme des claques, tout volera, c'est certain. Une balle sans impact, pour moi, ça ne sert à rien. Souvent taper du poing,

À présent, on va parler d'un artiste plus récent, mais qui nous a quittés également. Le premier véritable grand tube de Michel Berger, La groupie du pianiste, est l'une des chansons incontournables de l'été 1980. Et ce titre raconte avec justesse les relations entre les fans et les artistes. Il a permis non seulement à Michel Berger de se classer dans tous les hits, mais également de faire davantage connaissance avec un certain Elton John. Et c'est en observant les fans que Michel Berger trouvait l'inspiration de La groupie du pianiste. Une chanson qui traitait du quotidien d'une fan amoureuse, d'un pianiste qui se souciait bien peu d'elle. Durant l'été 1980, le son, entre guillemets, Michel Berger, était sur toutes les ondes, ce qui n'échappe pas à un célèbre artiste anglais, ce qui n'échappa pas à un célèbre artiste anglais qui visait le marché français. Elton John décidait donc d'entrer en contact avec l'auteur-compositeur Elton John, appelé Michel Berger, et celui-ci croyait un gag et lui raccrochait au nez. Alors une seconde tentative, prise enfin au sérieux, donnait lieu quelques mois plus tard à une collaboration artistique de Michel Berger et d'Elton John. La groupie du pianiste Michel Berger. Dominique. Je suis rassurée, car la troupe des enfoirés a trouvé son hymne pour l'année 2020. J'avais vraiment du souci pour eux, mais... Oui, mais comme d'hab, hein, les voix de tous les membres de la troupe se succèdent pour entonner ce morceau folk, prônant l'entraide et la fraternité, bien évidemment, composé et écrit par le groupe Boulevard Désert et le chanteur Tibbs. On écoute Les Enfoirés 2020 à côté de toi. Sans la nuit, pas de matin. Sans la pluie, sans la pluie, sans la pluie, pas de beau jour. Tu me dis, c'est un peu loin. Mais je dis, pas si on court. Si tu me tiens la main, eh ben ouais, tu me tiens la main. Si tu me tiens la main, eh ben ouais, tu